Chapitre 8. Les journaux ne dirent rien de la piste Takiguchi. Nérin désirait faire connaître, quand elle aurait eu lieu, l'arrestation du Japonais comme l'indiscutable point final d'une affaire qui n'avait que trop ému la population. Montmartre continuait à vivre dans l'obsession de l'éventreur. Le moindre incident prenait d'énormes proportions. On l'avait bien vu lors du faux attentat de la rue de Douai. En tout inconnu passant par hasard, on voyait le tueur des Macy's. La nouvelle que le meurtrier était sous clé était de nature à faire aussitôt renaître à la tranquillité, pensait l'inspecteur principal, qui attendait, non sans fébrilité, les réponses au mandat d'amener qu'il avait envoyé dans maintes directions. Mais pour tout ignorer de la culpabilité présumée de l'acrobate, les journaux ne continuaient pas moins à consacrer de longs articles aux sadiques de la rue Clausel, et le grand journal avait attaché à cette affaire trois de ses meilleurs rédacteurs spécialisés. Sur l'instruction précise du rédacteur en chef, le secrétaire de rédaction avait coiffé leur papier d'un gros titre en bâtisse au milieu de la première page, et c'est lui qu'il vérifiait sur la morasse grasse d'encre qu'un apprenti grêlé de taches de rousseur venait de lui apporter dans le petit café près de l'imprimerie de la rue du Croissant. C'était un petit bistrot qui restait, par permission spéciale de la préfecture de police, ouvert toute la nuit et où, à 7 heures avancée, se rencontraient des filles qui renonçaient à trouver le client pour la nuit, des chauffeurs de taxi attardés et les ouvriers des imprimeries voisines. Le patron, Courtaud, Rougeau, la moustache noire coupée dru sous le nez, les manches de chemise tenues relevées par des élastiques, servaient sur le zinc les cafés crème, les cafés arrosés et les verres de vin blanc, aidés par un garçon si blême qu'il semblait devoir mourir la minute suivante. Au-delà du comptoir, dont les sinuosités paraissaient faites pour donner leur démarche aux ivrognes qu'ils rejetaient sur le trottoir, se trouvait une petite salle séparée par une cloison qui n'atteignait pas le plafond. C'est là que le secrétaire de rédaction, tout en mangeant le jambon au cornichon qu'il avait commandé, corrigeait sa morasse. Autour du comptoir se pressaient les linotypistes, les metteurs en page, les fonctionnaires, tous en longue blouse noire, car c'était le moment de la brisure avant l'édition parisienne de dernière heure. Par-dessus la cloison qui le masquait, le secrétaire de rédaction cria « Fonfonce, tu feras attention! Tu as une lettre à l'envers dans le titre des Macy's !»« Entendu !» cria Fonfonce, un gros réjoui, à forte moustache et aux yeux bleus toujours rieurs. Il y eut quelqu'un pour dire « C'est Macy's, tout de même, on n'arrêtera donc jamais leur assassin. Qu'est-ce qu'elle fiche, la police ?» Mais un autre répliqua « Je voudrais t'y voir, toi qui es malin, à rechercher l'assassin. » Et un troisième lança « Ce qui me fait de la peine, c'est qu'elles étaient bougrement jolies, ces deux mômes. Je ne parle pas de la troisième, il paraît qu'elle était bossue. Mais les deux sisters, je me les serais bien envoyées. » « Cela ne devait pas être bien difficile, » reprit le premier. Alors intervint un homme, bien taillé, joli garçon, dont l'ébriété était évidente. Il était accoudé sur le comptoir, les cheveux en désordre. Sa voix était pâteuse. « Pas difficile, pas difficile, on dit cela. Pas difficile, ça dépend pour qui. » Le typographe reprit. « Eh, dis, tu les as connus, toi, les sisters ?»« Si je les ai connus, oh là, bien sûr que je les ai connus. Et comment ?» À ce moment, le prote regarda l'heure à l'horloge ronde fixée au-dessus des étagères sur lesquelles s'alignaient les bouteilles d'apéritif. « Allez, les gars, c'est l'heure » fit-il. Les typographes vidaient leurs verres, sortirent. Alors, un petit homme, qui jusqu'alors n'avait rien dit, absorbé par le demi de bière qu'il n'en finissait pas de boire, s'approcha de l'homme ivre. Il portait un pull au vert sous son veston et un petit nœud papillon à son col. Il était coiffé d'un chapeau melon. « Alors, comme cela, vous les connaissiez, les Macy's ?» L'homme tituba pour se retourner vers lui. « Si je les connaissais, Personne, tu entends, personne ne les a connus comme moi, parce que... Non, ça, je ne peux pas le dire. Elles étaient jolies, hein ? Jolies, c'est rien de le dire. Et faites ! Sa main hésitante esquissa des courbes dans le vide. Comme cela, de vraies statues. Une fine, proposa le petit homme. Ce ne serait pas poli de refuser. Les verres remplis, le petit homme leva son verre. À votre santé. Et il avala son verre d'un coup. L'ivrogne fit de même. Remettez-nous ça, patron, commanda le petit homme. Puis, revenant à son compagnon, vous êtes sans doute artiste pour les connaître aussi bien. L'homme hoqueta. Artiste, c'est-à-dire non. C'est plutôt... Enfin, je vais te le dire parce que tu es un copain, mais faut pas le répéter. J'ai couché avec elle. Sans blague. Oui, mon vieux, c'est comme cela. Tel que tu me vois, j'ai couché avec elle. Une nuit l'une, la nuit suivante, c'était l'autre. Vous n'avez pas dû vous ennuyer. Tu parles. Ah là, quand j'y pense, ça me donne soif. Tu paies un verre ? Patron, fit encore le petit homme en désignant les verres. Et il y a longtemps de cela ? Penses-tu ? Mais pourquoi que tu me poses tant de questions ? Histoire de blaguer, vous pensez si je m'en balance ? Oui, parce qu'il faudrait pas croire des choses. Bien sûr, ça ne fait rien, vous êtes un sacré vénard. Une flamme dansa dans les yeux de l'ivrogne. Il y eut un silence. Alors, on rentre, dit le petit homme. Où habitez-vous ? 24 rue Mademoiselle. Justement, c'est mon quartier. Je prends un taxi. Je vais vous poser. Mais attendez-moi une minute. Il ouvrit la porte des WC où se trouvait également le téléphone. Quand il revint, l'ivrogne était affalé contre le comptoir. Le patron, prudent, écartait les verres des gestes de ses bras. « Allez, on y va !» L'un soutenant l'autre, ils s'engouffrèrent dans un taxi. Le jour était levé quand Chancerel rejoignit sur le trottoir, devant le 24 de la rue Mademoiselle, le petit homme. « Voilà, chef, comme je vous ai téléphoné du bistrot, c'est là qu'il habite. Je l'ai ramené en taxi. Je l'ai hissé à son étage. Au quatrième, la porte à gauche. J'ai pas quitté d'ici. Il n'est pas ressorti. C'est l'amant des May Sisters. Il me l'a déclaré. Parfait, vous passerez à mon bureau pour la prime. Je ne l'aurais pas volé. J'ai sûrement pincé un rhume. » Il ne fait pas chaud ce matin. On monte ? On a le temps. Attendons qu'il soit un peu remis. Les portes s'ouvrirent. Les concierges tiraient dehors les poubelles. Chancerel regardait l'immeuble, maison de petits bourgeois. La concierge du 24 était une forte femme à la chevelure noire bien lissée. Chancerel s'approcha d'elle. « Votre locataire du quatrième à gauche, qui est-ce ?» La commère le dévisagea. « Qu'est-ce que vous lui voulez ?» Chancerel, dans le creux de sa main, lui montra sa plaque de la préfecture. « Ah ! » fit la femme, « c'est une dame, Madame Robineau, une personne très comme il faut. Elle n'a pas un fils ?»« Non, c'est-à-dire qu'elle a un ami qui vit avec elle. »« Comment se nomme-t-il ? » Je n'en sais rien. Madame Robineau dit que c'est son cousin. Mais j'ai bien compris de quoi il retourne. Un cousin à la mode de l'oreiller. Il a fait quelque chose ? Qu'en pensez-vous ? Ça m'étonnerait. C'est un jeune homme convenable. Il est poli avec tout le monde. Pour le reste, ça les regarde. Quel est son métier ? Il est dans les journaux, je crois. En tout cas, c'est la nuit qu'il travaille. « Quelquefois, il est un peu bu, mais ça arrive à tout le monde. »« Madame Robineau reçoit-elle beaucoup ?»« Pour ainsi dire, personne, deux ou trois amis de son âge. »« Elle n'est plus toute jeune. »« Ce n'est plus un printemps. Je sais qu'elle est veuve. C'est pour vous dire... Mais dites-moi, il n'y aura point de scandale au moins. C'est une maison correcte ici. Soyez tranquille, une simple vérification. Un peu avant 9 heures, Chancerelle monta et sonna au quatrième à gauche. Une femme vint ouvrir. Elle était assez forte, de taille moyenne. Ses beaux yeux, dont les coins portaient la patte d'oie, étaient effrayés. Sa bouche tombait de chaque côté. Mais sa chevelure était d'un roux agressif et, en dépit de l'heure matinale, elle était soigneusement maquillée. De toutes ses forces, elle luttait contre son âge. Sous son peignoir garni de dentelles, elle était vêtue d'un pyjama de soie. « Madame Robineau, c'est moi. Votre cousin est ici ? On ne peut le voir, il dort encore. Nous le réveillerons. Qui êtes-vous ? Police, dit simplement Chancerelle en avançant d'autorité dans l'antichambre. La femme, derrière lui, referma la porte. Elle bégaya. Que lui voulez-vous ? Il n'a rien fait de mal. Chancerelle n'avait pas la courtoisie de Nérac. Ce n'est pas votre cousin, n'est-ce pas ? C'est votre amant ? La femme se troubla. Ses doigts boudinés tripotèrent les dentelles du peignoir. « Oui, » fit-elle. « Il est beaucoup plus jeune que vous. Vous l'entretenez ?»« Je l'aide un peu à vivre. Il est si mal payé dans son journal. »« Car il travaille dans un journal. Lequel ?»« Jour Express, un grand journal, vous voyez. Il y passe toutes ses nuits pour presque rien. C'en est une honte. »« Ah, il est toutes les nuits dehors ?»« Oui, monsieur. » « Il y a longtemps que vous le connaissez. »« Cela va faire 2 ans. Je l'ai rencontré 3 ans après la mort de mon mari. C'était quelqu'un de très bien, un officier. Il était capitaine d'habillement au 232e de ligne. Un régiment superbe. »« Où l'avez-vous rencontré ?»« Dans un dancing. » Tout en parlant, Chancerelle avait pénétré dans l'appartement. Il n'avait eu qu'à soulever une portière pour se trouver dans un petit salon encombré de meubles rococo et d'innombrables bibelots ridicules. Au milieu d'une des parois, un agrandissement, dont le cadre portait un nœud de crêpe noir, faisait voir un homme à forte moustache, au regard innocent, dont le cou débordait d'un col d'uniforme. « Mon mari !» présenta la veuve. La lumière était plus franche que dans l'antichambre. Chancerelle examina Madame Robineau. Il remarqua un collier de perles assez belle qui ornait son cou. « C'est lui qui vous a offert cela ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur, je veux dire, c'est mon mari. »« Mais c'est votre amant qui vous a donné ceci ?» Du doigt, l'inspecteur désignait une large échymose violette qu'il venait de découvrir sous le phare près de l'œil. La femme balbutia. « Mais non, monsieur, je me suis heurté à un meuble. » Chancerelle tonna. « Vous mentez, madame, c'est votre amant qui vous a frappé. » Madame Robineau baissa la tête. « Il est parfois violent quand il a bu. » Puis elle joignit ses mains qui tremblaient. « Mais il n'a rien fait de mal, monsieur. Dites, il n'a rien fait de mal. Vous ne venez pas l'arrêter ?» Chancerelle sourit, simplement lui demandait de venir au commissariat donner quelques renseignements. « Comme témoin, n'est-ce pas ?»« C'est cela, comme témoin. »« Au fait, comment s'appelle-t-il »« Vous ne le savez pas, Jean Desmond. »« C'est bien cela, » rattrapa Chancerelle. « Nous allons lui dire bonjour. »« C'est par ici, monsieur. » La chambre était noyée de pénombre. Mais Madame Robineau manœuvra les cordons de tirage des doubles rideaux et Chancerelle vit l'homme qui dormait dans le grand lit des fées. Ses cheveux bruns étaient épars sur un oreiller. Il y en avait un autre, chiffonné, tout à côté. Chancerelle s'approcha, mit la main sur l'épaule du dormeur, le secoua. Jean grogna, se retourna sur un flanc. « Fous-moi la paix !» Chancerelle insista. Jean lâcha un juron, ouvrit les yeux, entr'aperçut la silhouette insolite de l'inspecteur à son chevet. Il s'assit brusquement sur son séant. « Qu'est-ce que c'est ?»« Bonjour, Jean Desmond, » fit le policier. « Désolé de vous réveiller. »« Qui êtes-vous ?»« Inspecteur Chancerel, il faut me suivre. » Jean Desmond blêmit, verdit. Une expression de terreur passa sur son visage. Il eut un haut-le-corps. Puis il s'affaissa sur lui-même, esquissa un geste d'impuissance. « Bien, » dit-il, « vous me donnez le temps de m'habiller ?»« Naturellement. »« Jean, Jean !» commença Madame Robineau près des larmes. Celui-ci lui adressa un grand signe du bras. « ça va, laisse-moi !» Madame Robineau sortit dans un sanglot. Jean se leva, commença à s'habiller. Jean Desmond vêtu, les deux hommes allaient partir quand entra Madame Robineau, portant un plateau chargé sur un apron de dentelle, d'une cafetière, d'un pot de lait, de deux tasses, de tranches de pain beurré et d'un pot de confiture d'orange. « Avant de l'emmener, vous le laisserez bien prendre son petit déjeuner ?» supplia-t-elle. Ce fut Jean Desmond qui, rudement, répondit « Je n'ai pas faim. » « Oh, inspecteur » protesta-t-elle. « Et la seconde tasse qui était pour vous ?» Selon les instructions de Nérac, que Chancerelle avait prévenu de la découverte de l'indicateur, l'inspecteur emmena directement Jean à la police judiciaire en taxi. Il le confia à deux gardiens de service dans l'antichambre de l'inspecteur principal et entra dans le bureau de ce dernier. « Alors, Chancerelle, » fit Nérac. « Je viens de cueillir le moineau. Il est là. »« Quel genre ?»« Un petit maquereau. Il vit avec une dame d'âge mûr. Mais attention, c'est un mauvais, un sournois, un froussard aussi. Je l'ai observé dans le taxi. Il est vert. »« Il a donc avoué déjà ?»« Non, mais il n'a certainement pas la conscience tranquille. »« Profession ?»« Il se dit rédacteur de nuit à Jour Express. » « Vérifiez, on ne sait jamais. Évitons la gaffe. Avec les journaux, vous savez ce que c'est. » Il suffit d'un bref coup de téléphone pour que les inspecteurs apprissent que Jean Desmond était, à quelque titre que ce soit, parfaitement inconnu à Jour Express. Nérac reprit. « C'est un sournois, dites-vous. J'en ai l'impression. Il a été surpris de me trouver au pied de son lit. Mais il s'est repris. » Seulement, il a la frousse. Bon, voilà, c'est vous qui allez l'interroger. Je surveillerai pendant ce temps-là ses réactions. Elles m'en apprendront plus long que ses paroles. Asseyez-vous à ma place. Je vais me mettre là comme si j'étais un greffier. Faites-le entrer. Jean Desmond, la figure fermée, s'assit en face de Chancerelle qui, aussitôt, attaqua. « Allons, mon petit gars, mets-toi à table, va, on t'en tiendra compte. » Jean haussa les épaules. « Vous dites toujours cela, je vous connais. Tu as déjà été interrogé ?»« Jamais, mais on sait ce que c'est. Tu as tort de t'obstiner, puisque nous savons tout. »« Tout quoi, d'abord ?»« Eh bien, tout. »« Que vous dites ? Faudrait le prouver. » Chancerelle tapota son crayon contre le buvard. « À ton aise, mon garçon, allons-y. Tu prétends toujours être rédacteur à Jour Express ?» Jean haussa les épaules de Nerla. « Un beau bar que je raconte à la vieille pour avoir les nuits libres. Elle est jalouse. » « Je m'en doutais déjà. Et pourquoi voulais-tu avoir tes nuits libres ?»« Dites, vous avez vu la veuve Robineau ?» Il y a à Paris des filles un peu mieux. C'est donc pour courir que tu as inventé ce mensonge ? C'est enfantin. Et c'est en cherchant des aventures que tu as fait la connaissance des May Sisters ? Jean eut un rictus, baissa la tête. C'est d'une voix sourde qu'il répondit. Oui, Ruby. Ruby et Liliane. Non, Ruby seulement. Tu as été l'amant de Liliane et de Ruby, des deux ? Non, ni de l'une ni de l'autre. Allons, allons, ne perdons pas de temps. C'est toi-même qui l'as déclaré. Nous sommes renseignés. C'est pas vrai. Jamais je n'ai couché avec Ruby. Mais avec Liliane, oui. Je ne la connaissais pas. Mais petit imbécile, ne fais pas donc le zouave. Tu t'en es vanté devant témoins pas plus tard que cette nuit. Jean releva la tête. C'est donc cela. C'est vrai, je l'ai dit. Ah ! Fit Chancerelle triomphant. Tu vois bien. Mais Jean ajouta. C'était faux. J'ai voulu faire le malin. J'étais saoul. Nérac ne perdait pas une seule expression du visage de Jean. Il percevait le trouble qui grandissait en lui. Nous verrons cela, dit Chancerelle. Tu avoues bien que tu connaissais Ruby Aubron, la plus jeune des Messisters. Oui, je l'avais vue au casino. Je l'ai attendue à la sortie. On s'est parlé. Un sanglot étrangla un instant sa voix. Je l'aimais, cette gosse. Oui, je l'aimais. Mais je n'ai pas été son amant. Elle n'a pas voulu. Chancerelle enchaîna tranquillement. Et c'est parce qu'elle n'a pas voulu que tu l'as tuée. Alors Jean d'un bond se mit sur ses jambes, renversant sa chaise qui tomba avec fracas. Tout son corps se mit à trembler. Il hurla. Non, non, pas ça, pas ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je ne suis pas un assassin. Et il resta là, haletant, la figure contractée, les poings sur la tête. Nérac fit un signe d'intelligence à Chancerelle qui reprit « Allons, allons, du calme, tu as déjà des circonstances atténuantes. Tu aimais Ruby, elle t'a résisté, tu l'as tuée. Crime passionnel, tu pourras t'en tirer. » Mais Jean de nouveau hurla « Ce n'est pas moi, pas moi. Non, non, pas ça. » Ce fut au tour de Chancerelle d'élever la voix. Alors, parle-nous de la dernière fois que tu as vu ton ami Ruby. Oui, raconte-nous cela. Jean se balança comme un ours sur ses jambes. Ses yeux prirent l'expression hagarde de ceux d'une bête traquée. J'ai soupé avec elle la veille de sa mort. Je lui ai dit que je l'aimais. Et c'était vrai, entendez-vous, c'était vrai. Elle m'a envoyé promener. Elle s'est sauvée. Quel fut l'emploi de ton temps la nuit du meurtre ? J'étais à mes affaires. Ah ah ! Car tu as des affaires ? Oui. Au fait, quelles sont donc tes ressources ? La veuve Robineau t'entretient, c'est entendu. Mais tu as peut-être un métier. Je suis représentant de commerce. Pour quelle maison ? En ce moment, aucune. Je suis au chômage. Tu as ta carte professionnelle ? Ils ne veulent pas me la donner tant que je n'aurai pas de maison qui m'emploie. Et sans doute, aucune maison ne veut de tes services tant que tu n'auras pas la carte. Il y a de cela. Ça n'a pas de raison de finir. Je cherche pourtant. La nuit ? Jean frémit, Nérac le nota. Pourquoi pas ? Dans les bars, on peut se faire des relations. C'est comme cela qu'on trouve une place. Tu t'en rends compte en ce moment ? Dans quel bar t'es-tu rendu la nuit du meurtre de Ruby ? Je n'ai pas été dans un bar. J'ai fait une connaissance dans la rue. On est monté chez elle. Dans quelle rue ? Je ne sais plus. J'avais du chagrin à cause de Ruby. Chancel ironisa. Un peu de mémoire te serait bien utile. Jean se secoua comme s'il avait voulu se débarrasser d'une étreinte. Attendez, ça va me revenir. Du côté de la Trinité, je crois. Rue Saint-Lazare peut-être bien. À l'hôtel des Chevaliers. C'est bien cette nuit-là que tu es allé dans cet hôtel ? Je crois. Ou la nuit d'après ? Nérac intervint doucement. Aucune importance. Dans ces hôtels, pour un séjour de quelques heures, on ne fait pas remplir de fiches. on ne trouvera aucune trace de son passage. Mais, Jean Desmond, pourquoi, en apprenant le crime horrible dont avait été victime Ruby, Ruby que vous aimiez, pourquoi n'êtes-vous pas venu raconter ce que vous saviez sur elle à la police ? Jean ne se retourna même pas vers Nérac. Il était toujours debout, oscillant sur ses talons. « Je n'aime pas la police, » fit-il. « Évidemment, beaucoup de gens sont comme vous. Ils ont leur raison. Quelles sont les vôtres ?»« Comme cela, c'est un goût. » »« Il y a, vous vous en rendez certainement compte, intérêt pour vous à surmonter maintenant cette antipathie. Je veux bien croire, moi, que vous n'êtes pas coupable. Il faut du moins m'aider à asseoir cette opinion. Et c'est pour cela que j'aimerais connaître la nature de vos occupations nocturnes. » Jean se mit en colère. « Je vous l'ai dit, les femmes !»« je comprends fort bien. Il est dommage pour vous que cet alibi soit si fragile, car il est pratiquement incontrôlable. N'y a-t-il pas autre chose ?» Jean garda le silence. Chancerelle reprit l'offensive. « Mange donc le morceau, c'est ton intérêt. Tu es un violent, on le sait. Tu as mis un sérieux cocard à la veuve Robineau. » Jean hocha d'une épaule. Une discussion, rapport au fric, qu'elle lâche avec un élastique. « Tu avais des besoins d'argent ? Toutes les poules ne marchent pas au béguin. Et puis, il y a les consommations. » Et il cria, « Ça ne veut pas dire que je suis un assassin. » Chancerelle continua. « Et Adorata ? Je ne l'ai jamais vue. J'en ai entendu parler que par les journaux. » Alors Nérac, le saisissant par la nuque, l'immobilisa et, le visage près du sien, martelant les mots, lui lâcha. « Tu sais bien que c'est toi qui as tué Ruby parce qu'elle a repoussé tes avances et tu as trouvé un plaisir que tu ne connaissais pas encore à tuer car ta violence n'avait pas été jusque-là. Et tu as tué Liliane qui t'avait amené chez elle en espérant te faire prendre car elle te soupçonnait pour l'empêcher de parler. » Et tu as tué Adorata pour retrouver le même plaisir. Et comme tu n'es qu'un pauvre petit margoulin, tu n'as pas su tenir ta langue. Mais à vous donc, te voilà un grand criminel. Tu l'auras, la vedette, va !» Nérac lâcha sa prise. Jean s'écroula tout de son long sur le plancher. Il s'était évanoui. Chancerelle eut un sourire de mépris. « Pas très costaud, le gars !» « On l'aura à la fatigue !» Puis il sonna les gardiens qui emportèrent Jean gémissant. Nérac reprit son fauteuil, s'y renversa. « Je voudrais tout de même savoir, avant d'aller plus loin, ce qu'il faisait toutes les nuits. Coco, drogue peut-être. Alors, il doit être connu dans le milieu. Faites donc voir cela. » « Entendu. Et puis, revoyez donc Madame Robineau. » « Pas tout de suite, dans 3 ou 4 jours, quand il y verra un peu plus clair. Pourquoi la battait-il ? Pour avoir de l'argent. Elle ne devait guère lui en refuser, quoi qu'il en dise. Alors, on verra ça. Autre chose, continuez la surveillance au café du Croissant. Il a peut-être des amis. Ils viendront flairer le vent. » Un jeune homme frappa, entra. « Takiguchi est arrêté, patron. » « Où cela ?»« À Bruxelles. Voici la dépêche qui parvient à l'instant de la Sûreté belge. » Nérac lut le télégramme à haute voix. « Service criminel Sûreté belge à police judiciaire Paris. » Acrobate Takiguchi, découvert studio Vermeulen, boulevard Anspach. « Stop. Commencez préparation numéro jonglage, couteau dit cow-boy. Stop. Ni énergiquement crime. Stop. Reconnais achat couteau Paris. Stop. Placez mandat arrêt. Stop. Envoyez demande d'extradition. » Nérac reposa le papier. Ainsi, fit-il, Takiguchi avait besoin d'un couteau. Ce qui ne veut pas dire... Il y a aussi ceci, ajouta le jeune homme. Nérac, encore une fois, lut à haute voix pour Chancerel la note qu'on lui remettait. Note du service des garnis. Pierre Jaume, Hôtel des Pyrénées, 67 rue Jean Massé, du 25 février au 27 février. Hôtel Morel, passage de l'Élysée des Beaux-Arts, du 1er mars au 3 mars. Nulle trace depuis. Nérac tira à lui un dossier, en sortit un feuillet, le compulsa. « Pierre Jaume, dit-il, quitta l'hôtel le jour de l'assassinat de Ruby. Il reste introuvable le jour de l'assassinat de Liliane. Il quitte de nouveau l'hôtel le jour de l'assassinat d'Adorate. C'est curieux, mais ils ont mis bien du temps au garni pour me fournir ces renseignements. » Chancerelle sourit. « Vous savez, les garnis, je vais leur faire secouer les puces. Avec un peu plus de célérité, on aurait peut-être pu mettre la main sur lui. » Chancerelle reprit. « Allons, nous avons deux assassins arrêtés. » « Et si ni l'un ni l'autre n'était coupable ?» fit Nérac.